Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. On va passer la prochaine heure ensemble. Je vais vous faire passer de la musique en téléchargement gratuit. Rendez-vous sur le site de l'émission au www.webmusique.ca. Vous allez pouvoir donc consulter la playlist et vous allez pouvoir télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. On va débuter cette semaine avec un artiste, vraiment une belle découverte dans mon cas, c'est Piper Spray. Je vais entendre sa pièce Malt Tower, j'ai découvert ça au hasard de mes navigations sur SoundCloud. Donc ensuite, tout de suite après Piper Spray, on va entendre un artiste de la Jordanie, c'est Mo Hop. Je peux pas vous prononcer le nom, c'est en arabe, donc une pièce vraiment bonne, un peu de rap arabe, vraiment excellent. Donc on écoute ces deux pièces-là à Web Music, on débute ça tout de suite. Take off your pen and bucket. My voice rolls eyes with green gobbles and nothing in theater. Rooster for dinner. Uh-huh. بحلل المايك لما تف مقطعي تدفق تغرق الامسيس في محيط الاسيد عتيك في السين مثل زجاجة تنفيذ ده مش فاهم كيف بدك تعتق رضاك حليب امسي عريق بحسب وحدات الكواكب مثل علم فلك المايا من وراء المايكروفون فشو ما كان عمرك بالساحة الخباين عارف هون مين ما بيعرف زوايا بيته حبيبا عايش هون انا سلاح لما ينضغط على زناده بيخطف مقطوعات مميتة في داخل قلوب اعدائه بدم بارد مثل الزواحف فيش رحمة نتائج حتى لو كان الطفل بتترجى تحكي الثقيل بيشبرك على تراجع استراتيجي حتى لو توحد مع اختك لا تطلع رجل حديثي امسي حقيقي بتف لكل السامعين من مدينتي عمان عاصمة الفن الحقيقي اقترب للامسي موعد حسابه ايه كي بعود على الايقاع لحتى ينتزع حقه بذراعه مش راعي بل اقطاعي هون لحتى يقتلع من الرقاب حناجر مالها داعي اعدائي كالافاعي من حولي تلتم في حين انا بهدوء متربع بالوسط على المزمار بعزف الحاني اتي لحتى عيد نظرة مستهين بذاتي وهين سين وكل مسيب انظر الي نظرة تعالي معاني بتوطفى خود من كلامي وارتفع كل الشعب بيغني فما فيش مستمع لترجع حقك بادر بالهجوم انا بهذه تراك من خارج ارض مثل النيازك والنجوم لاقطاعي بعود على ايقاع العود ليملى المكان بعبق بارود مع ذخيرة من اشد عيار ليطلق 16 بار مثل مش رصاص كافي ليقول سين واقف امامي بارتصاص يبالي قديم الزمان كان هنا قام حقيقي واختفى وعاد الان صوتي طابقة هل بتعانقة هنا الحقيقة على مفارقة اصعب هدوء للامسي يومي يتكلم فقط يندر ثقافة ولبعض منه يتعلم قد يتألم لسان بالهيب هوب فلم ضغط عليك كل الطرق فللإعلام سلم رب الوساطة يندل على الحطاطة أمثالكم ككاتب الحرب ناسي نقاطة بلا مضمون وشلون انتو تغنون أمتلك أعدائي لهالنوعية وسلاحي معهم سيفون أنا إمسي أأدي رب الحر النقي لذلك تعتبر ثقافة كيرس المتنبي ساطة ما يخيب نفسه لا إنسان ضعيف الداد أرجع أحلامه دي جي ياسر يتمنى فقط لو مات Un bon petit beat qui nous vient de la Jordanie, c'était Mohop, donc une pièce au titre arabique que je peux pas prononcer. Avant ça, de la ville de Moscou, c'était Piper Spray avec sa pièce Malt Towers. Je vous invite à aller visiter son profil sur SoundCloud, vraiment, vraiment intéressant comme musique. On va poursuivre avec un petit bloc donc dance punk. On va débuter avec de la Belgique, un duo basse et drum. C'est de Greatest Handshake. Je vous fais passer la pièce Kiss on the Ear equals I'm Horny. Ensuite de ça, de la ville de Chestnut Hill aux États-Unis, c'est Camp Island. Je vous fais entendre la pièce Wisconsin. Ensuite de ça, de la ville de Shanghai en Chine, c'est Boys Climbing Ropes. Je vous fais entendre leur pièce Dirty Bots. Donc, trois pièces de dance punk à web musique. world's as fine, it keeps us on. The steel cases around our bodies always pull towards the sun. And our coding was once complex and our titanium muscles strong. Obsolescence. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous êtes à l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre un band qui nous vient de la ville de Shanghai en Chine. C'est Boys Climbing Ropes avec la pièce Dirty Butts. Avant ça, de Chestnut Hill aux États-Unis, c'était Camp Island avec leur pièce Wisconsin. Puis on avait débuté ce bloc dance punk avec The Greatest Handshake. C'est un duo de la Belgique, un duo à la bass et au drum. C'était la pièce Kiss on the Ear equals I'm Horny. Donc, on va poursuivre. Cette fois-ci, on va se diriger du côté de la France sur l'étiquette Vatican Records. Pas mal une de mes étiquettes favorites dans le monde du net audio. Je vous fais entendre Longamagam. C'est l'alias de Mathieu Desjardins, qui est également un excellent illustrateur. Donc, il fait les pochettes, quelques pochettes pour Vatican Records. Je vous fais entendre sa pièce Pes Def. C'est publié donc sur son album Split avec Dag Shenhua, un japonais. Donc vraiment excellent comme pièce. On écoute la pièce Pes Def de Longamagam. Ça me fait toujours énormément sourire. Donc, c'est Longamagam, un artiste de la France, avec sa pièce Pes Def. C'était sur un album Split avec Dag Shenhua, un japonais. Sur l'étiquette incroyable Vatican Records, ils ont plein de trucs du genre, donc une étiquette complètement pétée. Je vous invite à visiter le site de donc Vatican Records pour télécharger absolument tous les albums de façon gratuite et légale, c'est important de le préciser.

une pièce donc de Flashball 13 qui remixait deux pièces, la première de Panic Circus par Noise Bastard et la seconde Blackness par Subwheel. Donc assez brutal, merci pour débuter cette demi-heure. Donc on va poursuivre avec un band technical death metal mélangé avec un peu d'opéra. Ils se prennent vraiment pas au sérieux malgré la brutalité de leur musique. Le band s'appelle Only Zool, c'est une référence à Ghostbusters. Donc je vais vous faire entendre la pièce Goat Mountain. C'est publié sur l'excellente étiquette Thornflesh Records. Un let label, donc qui se spécialise dans la musique brutale. Ils ont énormément d'albums en téléchargement gratuit. Si vous aimez la musique qui brasse un peu, je vous invite à vous rendre sur le site de Thornflesh Records. Vraiment beaucoup d'albums, beaucoup de compilations pour aider à découvrir différents groupes. Donc ça vaut vraiment la peine de s'attarder à l'étiquette Thornflesh Records. On écoute Only Zool avec la pièce Goat Mountain. Ouf, une pièce complètement épique par un groupe de la ville de Portland en Oregon, c'est Only Zool. La pièce s'intitule Goat Mountain, donc Only Zool, une petite référence assez tordante à Ghostbusters. Ça m'a bien fait rire. On va poursuivre donc avec peut-être une dernière pièce, je sais pas, elle est vraiment longue. Je vais voir, je vous la fais passer, puis si je reviens pas, ben je vous souhaite une bonne soirée à l'antenne de CKRL. Tout de suite après, c'est le mur du son, donc restez à l'écoute. Je vais peut-être revenir, donc je vous pousse la pièce de Gnome Corpse, c'est un artiste de la Russie. La pièce s'intitule Apparat 11, c'est publié sur l'étiquette Rozod, une étiquette spécialisée dans le breakcore. Donc vous allez voir, Gnome Corpse, vraiment surprenant. Un mix de toutes sortes d'influences, vraiment variées, vraiment brutales aussi en même temps. Vraiment excellent. Donc, je vous invite à la télécharger si vous l'aimez. Vous vous rendez au www.webmusique.ca. Vous allez pouvoir donc télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. Donc, on écoute ça, puis je vous reviens peut-être par la suite. Sinon, bon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 20h pour notre émission de Web Musique. Чудо по имени Бивис. Human evolution is no different. After all, we are animals ourselves. Evolution is all about the successful mating is accomplished over millions of years. Winners in the game of evolution. Those who never get the chance to mate are the losers. Losers. Losers. Losers. Losers. Thank you. DJ. Даже мужчины и женщины меняются. Через тысячи лет не будет ни мужиков, ни баб, одни гомосеки. Психосексуальные гермафродиты. Human evolution. Одни гомосеки. Женщина даже только позаимствован у нее. Генитальный аппарат. Генитальный аппарат. Мы автономные роботы-организмы с планеты Кибертрон. Генитальный аппарат остается...